Radio Campus Lille, 20h. Oui, on ne sait pas. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je savais très bien. La Team Rocket est de retour pour jouer des mauvais tours. Ouais, avec des petits nouveaux là derrière les micros. Ouais. Enfin, des petits nouveaux qui sont déjà passés. Hein. Une petite nouvelle. Ouais. Coucou Célia. Bonsoir Célia. Bonsoir. Et puis Ben Ben qui est là aussi. Benjamin. Des gens qui ont préféré venir au Pyongyang City Rockers que regarder du football. Ouais. Ouais, c'est clair, on les comprend. Hein. On va quand même pas trop traîner, hein. Moi je prends dans les cortèges après c'est ces trucs-là. Clair. Dans tous les cas, il y en aura. Ouais. Donc vous avez peut-être switché de votre TF1 ou Bing Sport sur Radio Campus Lille, vous avez bien raison. Ça vous pourrez écouter de la bonne zik au moins pendant une heure. Avec Pyongyang City Rockers. Et puis après, ce sera le moment de bouffer et regarder la fin du match. Vas-y, on va laisser l'honneur à toi. Bah écoute, allons-y, on va ouvrir le bal avec Johnny Mafia, un morceau qui s'appelle Big Brawl et qui en traduction ça dit grosse bagarre. Et donc on va démarrer en France pour changer avec donc ce petit groupe bourguignon qui agite les neurones et les oreilles bien comme il faut avec un petit punk garage bien punchy tout ça. Pour certains types de musique, vous avez le choix entre jouer fort et fort. Pour d'autres, entre jouer vite et fort. Vite et fort, ouais. Eux, ils ont pris tout. Voilà. Donc fort, fort, vite et fort. Fort, fort, vite et fort. Fort, fort, vite et fort. Ça fait trois fort, vite et fort. Ils sont très, très forts. Très, très forts. Très, très forts. Très. Oui. Fort. Et du coup, ce petit quatuor qui nous vient de Sens, donc en Bourgogne, s'attarde sur l'héritage des Ramones ou de Jerry Tard. Énergie, garage, morceaux rugueux. Et leur album a été enregistré et masterisé par Jim Diamond, qui s'occupe notamment des Sonics et de Jack White. D'accord. Ce qui est quand même un peu pas trop mal, quoi. Ça va. Hein, ça va. Même si on ne s'y connaît pas trop en garage, c'est des noms qui parlent un minimum. Bah ouais, quand même. C'est une bonne ref, quoi. Ouais, tu vois, tout le monde y connaît normalement. Ben Ben, il dit ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu les Metallica du garage. au minimum, quoi. 250 shows à leur actif. 3 albums entre 2016 et maintenant. Donc du coup, ils sont bien énervés, les gars, quoi. Et le premier est sorti en autoprod. Ensuite, le second, et qui est mon favori et dont j'ai tiré le titre que nous allons écouter ce soir, et il est sorti sur Dirty Water, qui est aussi un label grosse qualité. Sur tout ce qui va de ce son-là, son Sixtos et machin, en règle générale, Dirty Water, tu vois, tu regardes pas trop, t'écoutes, tu sais que c'est bon, quoi. Et le dernier sorti chez All In Banana. Donc, autant te dire que ça s'écoute bien et en avant la musique. Grosse pute. On the table. Mais qu'est-ce qu'il est bon à la technique, notre Ripoll. Parce que oui, on l'a pas présenté tout à l'heure, mais il y a grand leader Ripoll qui s'occupe de la technique. Parce que Jérémy n'est pas là. Ouais, salut Jérémy. Et Stéphane n'est pas là. Salut Stéphane. Puis Thibaut et Jamie, gros béco aussi à vous. Ouais. Alors, bah, c'était vachement bien ça quand même. Ah, ouais, c'est cool, pour du garage. C'était un peu psyché quand même, tu vois. Mais... Oh, très vite, j'irais plus naïf pop que psyché, tu vois. Naïf pop. Ouais, parce que ça, c'est pour Schnapps. La dédicace, on aime bien tous ces petits labels. Ouais, moi j'aime bien tout ça aussi. C'est vraiment mon petit truc. J'en ai quelques-uns en ce moment. J'écoute pas mal ce truc-là en ce moment. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. J'ai troqué ma mallette de hardcore pour retourner un petit peu sur mon garage naïf, là, comme ça. C'est bien, c'est bien. Ouais, non, le chat adhère, il ça préfère. Ça un peu de chaleur, un peu, un petit peu. Bah, je fais un peu frais quand même. C'est pas dur d'amener de la chaleur en ce moment. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, mais vu que je suis à la technique, j'en profite pour lancer ce que je veux. Exactement, ah bah, ce que j'allais dire, Père Ripoll. Qu'est-ce que tu vas nous servir ce soir? J'avais pas trop d'idées et je me suis rendu compte qu'il y a quand même un truc que j'aime bien écouter. Et on en a parlé ces derniers temps, parce que ça fait quelques semaines que je suis parmi vous et merci beaucoup, c'est super. Et je me suis rendu compte, quand on parlait de Corrupt Vision, il y a 2-3 émissions, que c'est quand on disait de ce mec-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, un mec qui a un label en Californie, machin, et qui disait tout le temps qu'il n'aimait pas le ska. Ah, oui, genre, on peut comprendre. Mais le truc, c'est que ce mec joue dans Corrupt Vision, quand même, et il dit que c'est du crack-rock. Mais le crack-rock, c'est quand même un mélange de ska-punk, de crust, de hardcore mélodique, on ne sait pas trop. C'est peur. Donc j'ai que du crack-rock là avec moi. Oh merde. Ça t'arrive. J'ai que du crack-rock, mais je crois que pour faire plaisir du coup à mon petit Tommy de No Time Records là, je crois qu'il n'y a pas un bout de ska dans tous les morceaux de crack-rock que je vous ai ramené ce soir. Je commence avec un morceau de Bon Augure parce que c'est la période des fêtes et que beaucoup d'entre vous vont sûrement se retrouver X-Mas Song. Fauchés. Genre ultra fauché. Ah, donc ça. Le premier groupe que je vous Cordel, propose. Cordel, je suis déjà fauché, moi. C'est pareil. À partir du 12, moi, en général, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Donc, No Cash est le nom du groupe. Ils viennent de je ne sais plus. Ah oui, de Nazareth, en Pennsylvanie. Ah, il y a un Nazareth en Belgique, faites gaffe. Et moi, je vais avoir un morceau. C'est pas une aire d'autoroute. Je vais avoir un. Si, je crois. Ouais, je la connais bien. pour aller bien avec ça, après, qui s'appelle Get Your Money. Ah bah ouais. Eh ben on y reparlera. On en reparlera après. En attendant, No Cash, no pas cash. Un bout de ska. Par contre, ouais, beaucoup de mélodies, tranquillou. C'est le temps de boire un petit coup pour se réchauffer. Hein. Allez, c'est bonne le idée. C'est mardi. Where I am confined to my room. Mais c'est très mignon, effectivement. C'est trop mignon. J'aime bien. Mais moi, j'adore. En fait, c'est souvent comme ça, le crack rock, quand même. Alors, il y a des groupes qui partent plus... prennent plus du côté crust que du côté machin pop. Et qui prend le côté crack? Le côté crack, je pense que c'était Stesa, le gars de Choking Victim, qui a inventé le terme, en fait. Quoi. Ouais. Dans Choking Victim, dans cette chanson, crack rock steady. Là. Et je pense que, ouais, après, il a fait un deuxième groupe qui s'appelle Leftover Crack. Ouais. Je pense que c'était pas pour rien. Ça se voit un peu sur sa tronche, en plus. Quoi. Ouais. Il paraît qu'il est détestable, et je pense que c'est possible que ça ait un rapport. Non, bah j'en sais rien, j'ai jamais craqué moi. Moi non plus, j'ai pas spécialement envie de tester. Bon, on en reparlera après avec Ben. Ben, je voulais vous passer un groupe basque. Oh, il y avait longtemps. Originaire de Bardulia. Donc ils avaient sorti un album en 2012, puis qu'est-ce plus Bardulia rien. Jusqu'à ce qu'ils chopent un nouveau chanteur et de revenir en 2018 avec 4 sorties. Ah mais quel chanteur ? 2 EP, 1 split et un album. Après ils ont fait un split en 2019, un EP en 2020, un album must have en 2021. Et ben ils n'allaient pas laisser 2022 vierge de production, donc ils ont fait le strict minimum, un titre. Mais un titre accompagné d'une BD. Alors la BD, c'est Aritz Ibarra qui l'a faite et elle retrace la bataille de Gasteiz en 1200. Alors c'est les messagers espagnols qui veulent choper le Pays Basque. Alors autant vous dire que la BD, ben, je ne l'ai pas pécho parce que je pige que dalle au Basque, mais j'ai quand même craqué pour ce 7 pouces un titre à 9 euros. Ça parle de crack, il a craqué lui aussi. Bon allez, c'est Kaleko Urdangak, tout de suite sur Radio Campus Lille, Gasteiz 1200. Oi. Yeah. Je sais pas si c'est de la cornemuse ou un truc dans le style. C'était des Bretons, c'était du biniou, non? Ouais. C'est des Basques. Les Bretons du Sud. J'ai confondu. Et puis, Grande Lydrice Audrey et moi-même, on a la chance d'aller voir ce groupe en concert chez eux. Ça va être Pays trop Basque. Bien. Ça va être mieux que. Enfin, à Paris, déjà, c'était. Moi, je les ai vus à Paris, c'était la grosse claque. Je les ai vus à Dresden, en Allemagne, c'était une énorme grosse claque. Donc, ça devait être un peu la même chose que moi, c'est-à-dire que les gens ont chanté du yaourt. Oui. Et là, on va aller voir chez eux avec des gens qui ont chanté les paroles, et je pense qu'on va se prendre une monumentale claque, parce que ça va se dérouler dans une salle de 600 personnes, et que c'est déjà sold out. Alors, le truc de nous, on a les tickets. On sait pas là où on va foutre les pieds, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Et puis le lendemain, on voit Rotten 13 et Reapers qui jouent avec Kelly Cordanga, qui est le lendemain avec Lei Nuzara, un groupe qu'on a pu vous passer aussi il y a quelques semaines. Ça, c'est grosse clacounette aussi. Hein, si vous aimez ce qu'on vous a passé là, Kelly Cordanga, allez vous pencher, enfin, allez prêter une oreille du côté du Pays Basque parce qu'il y a énormément de groupes dans le style. Et allez voir le label Mendekudiska, Tough Ain't Enough. Et puis. Ouais, au moins ces deux labels-là, vous aurez déjà un bon panel. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est le moment de laisser la main à Grande Lydrice, Célia. Eh ben, moi, je vais vous passer une petite nouveauté de Nag. Ils vont sortir un album au mois de janvier 2023 et ils ont déjà sorti un titre sur Bandcamp. Ça s'appelle Répulsion. L'album, il s'appelle Human Coward Coyote. Ça sort chez Convus Records, c'est des Américains. Ils viennent d'Atlanta. Et c'est quoi comme style? Il faut c'est quoi du punk, post-punk. Steph a déjà passé un morceau. On a été les voir en concert. Ils s'étaient passés au Pits il n'y a pas très longtemps. Le 22 mai dernier. C'est ça. Okay. On rappelle, quelle mémoire, je n'étais pas là. Pas non plus. Je devais. Et d'après Yuki, c'est le meilleur groupe du monde. Ah d'accord. C'est vrai. Ah bah alors, il est pour Stéphane et pour Yuki. Voilà, c'est ça. Ah, et il y a des gens qui sont d'accord avec toi, mon Yuyu. C'est bien, c'est bien. Du coup, on écoute donc le dernier morceau de Nag. Eh bien, merci, quelle présentation, c'était bien. Ouais. Moi, je suis fou. J'espère qu'il y en aura d'autres. On a fait quelque chose. cette petite affaire. Ah, je sais pas si c'est le meilleur groupe du monde, mais c'est vrai que c'est un bon groupe. C'est pas mal, ça donne envie d'en savoir. Le meilleur groupe du monde, pour le moment, c'est... Non. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est compliqué. Il y en a trop. C'est difficile de choisir. On a un débat. Faire des jaloux. Et après, pourquoi il a dit lui et pas nous? Et puis... Parce que j'avais pas pensé. Ouais, mais n'empêche que... Oh là là, comment se faire des amis? Ouais. Comment en perdre aussi? Ah, bah, de toute façon, Pyongyang, ils sont au cœur, c'est un peu comme les charters de la Corrèze. C'est-à-dire l'émission qui a des amis des deux côtés parce qu'il ne sait pas qui va gagner la guerre. Ah. Allez, ça c'était un petit clin d'œil à Schnaps. Allez, il nous écoute. Bisous Schnapsou. Et on l'embrasse profondément. Alors, on l'embrasse. Oui. Voilà. Alors, on passe. Moi j'y mets pas la tête. Hein. On passe un morceau de notre deuxième invité. Enfin invité, copain qui est là ce soir. Ben. Ouais. T'es prêt? Ouais, t'es prêt? Ouais, ouais, je suis à peu près prêt. Allez, vas-y. Allez, bah, si t'es à peu près prêt, on peut y aller. Donc, c'est Diamando des Chandeliers, un groupe néo-zélandais. Je sais pas vraiment quand c'est sorti, je crois que ça doit être début 2000. Et bah voilà, le seul truc que j'ai trouvé dessus, c'est un trio surf. Et c'était enregistré sur un studio 4 titres, enfin sur un 4 bandes, enfin sur un 4 pistes analogique, est sorti en 45 tours et j'ai la chance de l'avoir et voilà. Mais pas en 45 tours, si, si. Oh putain. C'est le genre de galette que tu passes dans tes DJ sets. Bah je l'ai eu il n'y a pas longtemps et bah de ce fait là. Et du coup, ça me dit. Samedi soir au Locaria. Ouais, qu'est-ce qui se passe au Locaria? Il y a un petit truc. Une petite bamboche, bang et bang, handicap. Voilà. Donc, grand leader Audrey, grand leader Ben. Ouais, on fait une petite bamboche au Locaria à partir de 20h jusqu'à la fermeture, on ne sait pas trop à quelle heure. Et je pense qu'il fera bien plus chaud à l'intérieur que dehors. Donc, viendez, viendez. Je pense bien. Et donc, ça, c'est le genre de musique que tu passeras samedi. En partie, pas que ça, il y aura pas mal de trucs soul funk, peut-être exotica, garage, bah ça ouais, c'est bien dans le garage quand même, peut-être un peu de punk, je sais pas grand chose, on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, et voilà quoi, enfin histoire de faire la fête, de boire des coups ensemble et surtout de bien s'amuser quoi. Et puis d'avoir une petite ambiance chaude et tropicale, je pense. Les Chandeliers, c'est Diamond? Diamando. Diamando de The Chandeliers. The Chandeliers. C'est hyper. Je pense. Si je trouve le bouton. Voilà. C'est ça. Il a trouvé le bouton. We'll be right back. ça va bien être barré samedi au Locaria si vous passez des trucs mais comme ça. Mais ça va être foufou. Vous allez sortir, vous allez attraper la crève parce que vous aurez dansé là au son de... Pouh, ça va être trop caliente. Tu nous redis qui c'était là? Les chandeliers. Les chandeliers. Diamando. Ouais. Voilà, ça me fait penser aux Chandeliers. Ouais, c'est néo-zélandais, donc The Chandeliers, quoi. The Chandeliers, oui. Ça se dit comme ça aussi en... Bah, j'en sais rien, mais c'est comme ça que c'était marqué. Je pense que c'était pas The Chandeliers. J'ai tué les chandeliers, voilà. Mais ça, c'est qui pareil. C'est ça qu'on n'arrivait pas à trouver d'infos sur le groupe. Là, ça me fait penser à l'émission de Bordeaux, là. Ah. Genre avec Stone Boogie. Ouais. On m'a fait marrer quand il parlait des groupes basques et qu'il dit on va écouter tout de suite Zikin. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a peu de chances que ça se prononce Zikin. Ouais, c'est clair. Puis là, Google Trad, elle te le lit. Hein. Tu peux l'entendre Zikin. Un peu comment ça. Voilà. Zikin. Moi, je vais enchaîner avec un petit groupe de Portland qui s'appelle Spoon Benders. Garage punk psyché. J'avais dit que j'avais des trucs un peu plus psychés là-dessus. Premier album qui s'intitule Dura Mater. Dur amateur. Oh là là, sorti en mai 2020, inspiré par des groupes tels que Gogs, les Pleasure Seekers, ça Black Sabbath. Plaisir, ah ouais, Gogs, oh putain, mais de ouf. Black Sabbath, il y a aussi les Stooges, enfin bref, des bonnes grosses influences, du son assez brut. Peut-être nous dirons fumer, je vous laisserai seul juge, hein, n'est-ce pas? Bisous Stéphane. On retrouve clairement de la réverb à la Aussies dans leur partie. Alors à l'époque The Aussies ou l'époque Aussies? Ben, en fait, c'est la même. Franchement, moi je trouve que c'est la même. Ils ont changé de nom deux, trois fois au moins. Avec que des conneries, mais qui ressemblent tout le temps. Mais c'est toujours pareil. En même temps, c'est toujours la même formule. T'as deux batteurs et t'as le guitariste, chanteur initial, ancestral. Bref. Une instrumentation assez épurée pour les petits Spoonbenders, mais efficace. Et c'est un jeune quatuor dont je suis curieuse de voir la suite. Voilà, le morceau s'appelle Cut Behind. We'll be right back. la différence avec le truc d'avant sur le côté psyché, pas psyché. Psyché, pas psyché, psyché, pas psyché. Double psychité. Double psyché, double psychité. Coucou les Dalton. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai bien reçu les cassettes, Paul. Merci. Merci. C'est autour de... C'est autour de Célia ou à Ripoll? Moi, je suis chaud. Allez, vous battez pas. L'homme qui est chaud. On dirait un petit couple. C'est juste qu'il allume pas mon micro. Ah bah, sympa. Bah ouais, mais bon, c'est mon tour quand même. Moi, quand c'est mon tour, j'allume les micros de personne d'abord. Ouais. J'enchaîne tout de suite sans crier gare sur les ondes de Radio Campus. Elle l'a fait à ta place. 6,6 avec ce morceau qui, pour moi, représente le crack-rock. Alors, je suis désolé, j'ai menti. Il y a une grosse partie ska. Cette émission numéro 274 de Pyongyang City Rocker est dédicacée au crack-rock. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit au début. Complètement. Toi, t'as voulu avoir ton style musical fétiche dans le titre du prochain podcast, je suis sûr. Il y a peut-être moyen de faire un truc qui fera craquer les guitaristes. Un morceau que j'ai dû passer, sans doute, sur les ondes de campus déjà plus d'une fois, je pense, Life is Pain par Leftover Crack, je pense que ça représente très bien tout ça. Et là, pour le coup, désolé, mais ça skunk un peu à mort. Allez. Mais bon, il y a aussi du violon. L'émission punk génial. Et un petit peu de Baudran, pour aller avec. Du coup, vous mettrez une saucisse à moutarde. Très bien. Rien d'original, Life is Pain de Leftover Crack sur Pyongyang City Crackeux. Nature, Mother, ATR! Ah, les avis sont partagés. Hein. Moi, j'aime bien. Ah, moi, j'adore. C'est, Audrey l'aimait aussi. Oh. Ouais, ouais, c'est vrai que ben, le nom du morceau, ouais. Je, ouais, c'est vrai. Ah, c'est, la vie, c'est du pain. La vie, c'est du pain. C'est le nom du morceau Life is Pain sur Fuck World Trade en 2003. Qui est rentré au patrimoine de l'UNESCO. Ta vie, c'est de la baguette. C'est croustifondant. Oh, merde. Du pain de mie. Du pain de mie, ah ouais. Bah. C'est quand tu manges du pain et que tu bois un demi. C'est le pain de mie. Le pain de mie. Life is pain de mie. Sur les ondes de Radio Campus, comme d'habitude. Voilà. 106,6. Et on passe tout de suite à un prochain morceau qui va envoyer du lourd, j'ai l'impression, non? Alors, ouais, moi, je vais passer même deux morceaux d'un groupe de copains. Ça s'appelle Turbo Crox Terror. Turbo Crox Terror, tout ouais, un programme. Turbo Crox, c'est parce qu'en fait, ils jouent en Crocs. Leftover Crocs. Leftover Crocs. Ils jouent en Crocs. Ah, d'accord. Oh, merde, ouais. Après Survetsky, on a Survets Crocs. D'où le nom du groupe. Donc, c'est encore un truc visuel à voir. Enfin, visuel à voir, forcément. Visuel oui. Sur scène. Oui, bah, ça surtout. C'est... Moi, j'ai connu Schmeck, il faisait des frites. Voilà, en fait, il y a un membre d'Organ Freeman ou il y a des membres de Jackson Fight aussi. Bah, et comme, comment il s'appelle, Sheriff Perkins, qui faisait de la choucroute sur scène. Ouais. Tu l'as jamais vu ce truc? Il venait avec son réchaud et ses choucroutes. Il avait changé les étiquettes des boîtes à choucroute. Et puis après, tu bouffais ta choucroute pendant le temps qu'il jouait. C'était n'importe quoi. Organ Freeman, il faisait des frites et en direct, une véganaise. Ouais, en direct, il faisait les petites les petits ateliers sauce vite fait. Et les frites étaient bonnes en plus. Les sauces aussi. Les sauces aussi, ouais. Véganaise. Du coup, ce mec joue dans Turbo Crox Terror. Mais attention, il n'est pas à la frite, il est où? Il est à la batterie. Ouais. Ah. Il est à la batterie. Monsieur ne peut pas s'empêcher de faire plein de trucs tout le temps, toujours. C'est bien. Moi, je suis assez fan à chaque fois, donc c'est cool. Un peu comme nous. Hein. Et donc, il y avait aussi d'autres membres de Jackson 5, tu disais? C'est ça. Il y a la chanteuse de Jackson 5. Okay. Qui chante aussi? Elle chante aussi. Ouais. Et puis, on a à la basse, on a un monsieur qui gère un joli petit label de crust, Bisounours et compagnie. D'accord. Que l'on embrasse profondément. Avec la tête. Voilà. Et les dents. Quel donc, morceau de Turbo Crox Terror nous as-tu choisi? J'en ai choisi deux. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Cookie et un morceau qui s'appelle ABDA. Alors ABDA, c'est l'abréviation, enfin c'est en breton et ça veut dire un cimetière pour chaque flic. Donc en gros, c'était un peu, vu qu'hier c'était le 13-12. Et ça se dit comment ABDA? Je sais pas. J'ai pas le... J'ai pas les mots, mais on a demandé aujourd'hui pour savoir ce que ça voulait dire déjà. Voilà, c'est parti. Cookie et ABDA de Turbo Crox Terror, le crust de la Sarthe qui envoie de la crusterie comme il faut bien. Attention, c'est parti. J'appuie sur le bouton. Salut à toi, Antoine. C'est dur à dire salut à toi, Antoine. We'll be right back. Bien vénère sur Radio Campus Lille, c'était... Turbo Crocs Terror. C'est pas facile à retenir quand même, non. On n'a pas été assez précis, mais du coup, pour aller jusqu'au bout, on a Feli à la voix concentrée, on a Anna à la voix dispersée, on a Kako, guitare, et on a Bisounours à la basse en substance, et Francesco, saisonnier en batterie, pour former Turbo Crocs Terror. Toujours beaucoup d'humour, hein, mais là, à chaque fois que... qu'ils font des choses ou qu'elles font des choses. On aime. Et on a heureusement qu'il n'y a pas porté des Birkenstock, ça aurait été encore plus dur à dire. Oh là là, Turbo Birkenstock Terror. Turbo Birkenstock Terror. Ça aurait pu s'appeler Turbo Claquette Jaune Terror aussi, parce que. Et chemise à carreaux, mais c'est une autre époque. Oh là là. Je cède la parole à qui veut bien la prendre. Allez, moi je vais la prendre et je me suis extasiée tout à l'heure en évoquant Gogs. Et ben j'en ai un ce soir de morceaux de Gogs. Et j'ai choisi le morceau Glendale Junkyard. Un énième projet donc de l'hyperactif prolifique Ty Segall, bien garage punk comme on l'aime. Premier album du groupe sorti en 2016, groupe formé depuis 2013. Donc ils ont pris le temps, tu vois, de pétrir la pâte là avant de te la servir, de la mettre au four et paf, pareil, choc à pic. Et donc c'est sûrement le projet le plus violent de Monsieur Segall. Quand tu le sais, là la violence, on n'est pas sur... je sais pas ce que nous on va croire sur comme violence, hein. Mais bon, voilà. C'est un all-star band de surcroît avec Chris Shaw de Ex-Cult, Charles Mothard de Fuzz et CFM. Le projet a démarré donc quand Ex-Cult a fait l'ouverture pour la tournée de Ty Segall en 2013. Je ne saurais que trop vous conseiller cet album qui fait partie d'un super bon mash-up entre le garage, le punk et un petit poil d'influence hardcore. Et cet album, je trouve, hein, tire son épingle du jeu de toute la scène californienne du genre. Parce qu'ils vont vraiment chercher des trucs... c'est un petit ovni de la scène garage punk californienne. Je le trouve très très intéressant musicalement parlant et très efficace. Bref, j'adore. On s'amuse. Ouais, c'est triste en plus parce que si on laissait l'open radio, on pourrait écouter Perfect People de Pennywise, on serait bien. Non. Non, je préfère aller voir le foot. Parce que c'est moi qui ai les manettes, il y a peut-être moyen que je dise au revoir à Cap Black. C'est pas vas-y pour le système automatique là. Écoutez ce que ça donne. Non, là on n'y est pas. On n'y est pas. Tu veux voir? Tu veux vraiment que je fasse ça? Attends. Oh là là. C'est sûr, toi, tu aurais aimé faire ça. Ah, je t'avoue que... la dangerosité de la du danger, là. Là, si dans 10 secondes, je le mets, on se tape Cop on Fire et Pennywise, on dit à Cab et on est bien. Mais on va pas faire ça. On va pas faire ça, parce que non. Mais pour ceux que ça intéresse, qui ont bien aimé le dernier morceau, Ty Segall passe avec un autre groupe qui s'appelle Fuzz, et je vois avec les mêmes gars que, dont t'as parlé, au fait. Voilà. Ty Segall et Gogs et Ex-Cult et voilà. CFM. Ça joue comment, et ça joue à l'aéro. À l'aéro. 4 mars, non? Le 4 mars, ouais. Voilà. Okay, pour 25 balles ou 19 balles. Ah, donc c'est en format grosse salle. Ty Segall, ouais, c'est gros. Tu sais, moi j'ai vu Jello Biafra en club. Ouais, c'est vrai. mais bon. J'étais là aussi, c'était bien. Il y a moyen de, tu vois, il y a moyen de faire des petits trucs quand même un peu intimistes. Carrément. Ouais, quand ils font leurs afterworks, c'est aussi pas mal, quoi. Ouais. Afterwork gratuit avec souvent des groupes assez de qualité, même régionaux. Oui, tout à fait. C'est rare qu'on parle de l'aéronef, mais de temps en temps, il faut quand même. Il se passe des trucs. Temps saluer temps, il se passe le des travail. Trucs. La prog, elle est quand même pas mal. Hein. Moi, je suis. Bah, pour toi, c'est plus une prog pour toi. J'y vais assez régulièrement, ouais. Quand même. Mine de bon, rien. On finit avec quoi, là Bob Dylan. Ah, allez. Le morceau. Robert. Ouais. Le morceau We Live Here. Celles et ceux qui me connaissent bien comprendront direct pourquoi j'ai choisi Bob Dylan et ce morceau de Bob Dylan. Et on dirait que tu dis Bob Dylan. Bah, c'est Dylan. Ah, j'avais compris. Ah, Bob Dylan. Non, c'est Bob Dylan. Ah, d'accord, ok. Et tu vas voir qu'on est très, très, très loin de Bob Dylan. D'accord. Ouais. Je me dis, merde, j'ai des problèmes d'audition. Non, non. Non, non, tout va bien. Formé en 2017, premier concert 2 semaines après leur formation. 4 singles et un EP produits et distribués par eux-mêmes à la main, à pied et par ce duo. Donc en fait, ils allaient dans les disquaires donner leur truc et machin. Et en 2020, sort cette petite pépite sur l'album du même nom qui donc s'appelle We Live Here. Et en 2022, ils sortent un second album studio, The Price of Life, encore meilleur que le précédent. Par contre, ils ont fait une collab avec le groupe londonien The Skins. Et c'est une grosse merde. Ah. N'écoutez pas, c'est vraiment. De toute façon, Skins, il n'y a que le premier album qui est. Ouais, après, moi, Skins, j'aime vraiment pas. Ils viennent de Londres. Je sais pas s'ils sont potes avec Aurore, mais enchaînez We Live Here et Knuckle Up de Aurore, vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance. Sur ce, nous allons devoir nous quitter. On va vous dire à la semaine prochaine. Qui sera la semaine prochaine Moi. Pas moi. Pas moi non plus. Ah non, je. On va voir si on a quelqu'un pour la technique. Sinon, on verra. Surprise pour la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, on n'oublie surtout pas ACAB. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Radio Campus Lille, Pioneer City Rockers 274. For the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my old country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We live in a pyramid. We live here. Town. Have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the knickknacks get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like. If I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We live in a pyramid. I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We did.